Mandando. latin. Et faut donner tout bas. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Ma gueule. Faire une chanson qui t'aime. Quand tu dis je me taille. J'en peux plus. Thank you.

Thank you. Thank you.